les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'édition intégrale de ces nouvelles, en français, apparut à l'âge d'homme, au début des années 2000. Bien des années plus tôt, Richard Puydorat faisait découvrir ou redécouvrir cet humoriste tellement britannique qui vécut en Birmanie. Nous étions le 1er janvier 1969 sur France Culture, occasion d'entrer dans le monde de Saki. France Culture vous invite à écouter Clovis ou le sourire de Saki par Richard Puydorat. Cette émission vous est présentée avec le concours de Claude Riche, Michel Bouquet, Jean-Pierre Mariel, Pascal Mazotti, Jean Martin, Jean-Pierre Lituac, Yves Penaud, Jackie Catalayude et Denise Gray, Madeleine Barbulé, Nelly Borgeot, Daniel Vol, Nathalie Nerval ou Tateguer. Chef opérateur du son, Madeleine Sola. Collaboration technique, Bernard Charon. Assistante, Marie-France Nussbaum. Réalisation, Alain Barou. Un certain Hector Monroe, sujet britannique, est mort en 1916. Mais il avait pris le soin d'écrire sous le nom de Saki, si bien que la mort semble avoir été mystifiée. L'illusion est d'autant plus facile en France que l'œuvre de Saki a mis 46 ans à traverser la Manche. Pour nous, elle est récente. Les humoristes n'abordent peut-être pas facilement sur nos terres. De tout ceci, nous déduirons rationnellement que Saki a existé, tous les autres personnages dont il sera question ayant été créés par lui. Après quoi, il ne nous reste qu'à envisager la réciproque. Dieu du ciel! Voilà quelqu'un que je connais qui vient vers nous, je n'arrive pas à me rappeler son nom. Tarrington. Oui, c'est cela, Tarrington. Il a entendu parler de la garden party que je donne, il va se cramponner à moi comme une ceinture de sauvetage jusqu'à ce que je l'invite. Après ça, il me demandera s'il peut amener avec lui toutes ses femmes, mères et sœurs. Clovis, ne peux-tu rien faire pour m'en débarrasser? Je vais livrer un combat d'arrière-garde pour vous, ma tante. Vous devriez filer. Si vous ne perdez pas de temps, vous avez 10 bons mètres d'avance. Fais comme si tu ne le connaissais pas. Bonjour, cher monsieur. Quel heureux hasard. Bonjour, monsieur. Je pense que vous ne me reconnaissez pas avec ma moustache. Il y a 2 mois seulement que je la laisse pousser. Au contraire, la moustache est la seule chose chez vous qui me semblait familière. J'étais certain de l'avoir déjà vue quelque part. Je m'appelle Tarrington. Un nom bien commode. Avec un nom comme ça, personne ne vous en voudrait si vous ne faisiez rien de particulièrement héroïque et remarquable. N'est-ce pas? Et pourtant, si vous deviez lever un régiment en cas de péril national, le régiment de Tarrington sonnerait très bien. Alors que si vous vous appeliez Spoopin, par exemple, ce serait hors de question. Oui, personne, fût-ce en un moment de péril national, ne pourrait songer à s'enrôler dans le régiment de Spoopin. Je crois que vous devriez vous souvenir de mon nom. Je m'en souviendrai certainement. Ma tante me demandait justement ce matin de lui suggérer des noms pour 4 jeunes chouettes qu'on lui a offertes. Je trouve qu'on devrait les appeler toutes Tarrington. Comme ça, si quelques-unes meurent ou s'envolent, ou nous abandonnent pour une raison ou pour une autre, il en restera toujours une ou deux pour porter votre nom. Et ma tante ne me laissera jamais l'oublier. Elle me demandera sans cesse, est-ce que les Tarrington ont eu leur souris? Et 1000 autres questions de ce genre. Elle dit que si l'on garde en captivité des bêtes sauvages, il faut veiller à leurs besoins. Et je trouve qu'elle a tout à fait raison. Je vous ai rencontré à déjeuner chez votre tante un jour. Oui, ma tante ne déjeune jamais. Elle appartient à la Ligue nationale anti-déjeuner, qui fait du très bon travail. discrètement et sans éclat. Un abonnement d'une demi-couronne par trimestre vous donne le droit de vous dispenser de 92 déjeuners. Ça doit être quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, j'ai toujours eu la même tante. Je me souviens parfaitement vous avoir rencontré à un déjeuner donné par votre tante. Quel était le menu ? Oh, je ne me souviens pas. Il est très aimable à vous de vous souvenir de ma tante quand vous ne vous rappelez plus les noms des plats que vous avez mangés. Figurez-vous que ma mémoire fonctionne tout différemment. Je me souviens d'un menu longtemps après avoir oublié le nom de l'hôtesse à qui je le dois. Je me rappelle qu'une certaine duchesse, quand j'avais 7 ans, m'a donné une pêche au cours d'une garden party. Je ne me souviens absolument pas d'elle. J'imagine seulement que nous ne devions guère nous connaître puisqu'elle me traita de gentil petit garçon. Mais je garde un souvenir impérissable de cette pêche. C'était un de ces fruits exubérants qui vient au-devant de vous, pour ainsi dire. Un magnifique produit de serre, resplendissant de santé. Il fallait mordre et sucer le jus tout en même temps. J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de charmant et de mystérieux dans ce fruit au velouté délicat, mûrissant lentement et approchant de la perfection durant les longs jours d'été et les nuits parfumées, puis surgissant soudain dans ma vie à l'instant suprême de son existence. Même si je le voulais, je ne pourrais jamais l'oublier. Et après avoir dévoré tout ce qui était comestible, il me restait encore le noyau, qu'un enfant étourdi et insouciant aurait sans doute jeté. Je le déposais dans l'encolure d'un jeune ami qui portait un costume marin très décolleté. Je lui racontais que c'était un scorpion, et à voir la façon dont il hurlait et se tortillait, il le croyait sûrement. Je me demande comment ce petit idiot s'imaginait que j'avais pu me procurer un scorpion vivant au cours d'une garden party. Bref, cette pêche est pour moi un souvenir heureux et inoubliable. Vous partez, cher monsieur Tarrington ? Je devrais certainement faire une carrière au Parlement. Je n'aurais pas mon pareil pour faire de l'obstruction à la tribune. Je devrais certainement faire une carrière au Parlement. Je n'aurais pas mon pareil pour faire de l'obstruction à la tribune. Il est un peu tôt pour songer au Parlement. Quel âge a-t-il, ce jeune homme élégant ? Disons qu'il a célébré son 18e anniversaire, 4 ans de suite. Pour l'instant, s'il fait une carrière, c'est une carrière de mystificateur et elle se déroule principalement dans les garden parties. On le redoute, mais on l'invite. Le voici chez Monsieur et Madame Hampton. Pour l'instant, il ne dit rien. Il écoute avec distraction ce que dit la charmante Mrs. Hampton à un autre invité. Oh, monsieur Bilister, madame. On nous a beaucoup parlé de vos talents de magicien. J'espère que vous ne laisserez pas passer ce week-end sans nous donner un aperçu de vos pouvoirs. Malheureusement, je crains qu'on ne puisse pas évoquer les forces ésotériques pour se distraire. Votre tante nous a dit que vous aviez été initié au secret de la magie sibérienne. En effet. Mais si je disais ce que j'ai vu parmi les marchands du Transbaïkal et les paysans de ces régions, on ne me croirait pas. J'aimerais que vous me transformiez en loup. Monsieur Bilister. Mais madame... En loup-garou femelle, bien sûr. Ce serait trop de changer de sexe et d'espèce en même temps. Je ne crois pas que l'on doive plaisanter sur ces sujets. Oh, je ne plaisante pas, je suis très sérieuse, je vous assure. Seulement ne le faites pas aujourd'hui. Nous n'avons que 8 joueurs de bridge et cela détruirait une de nos tables. Demain, nous serons plus nombreux. Demain soir, après dîner. Dans l'état actuellement imparfait de nos connaissances à propos des forces occultes, je crois qu'on devrait aborder de tels sujets dans un esprit d'humilité, plutôt que de moquerie. Clovis Sangrail, qui était parmi les invités, avait gardé un silence dont il n'était pas coutumier. Après le déjeuner, il entraîna habilement Lord Pabham dans l'isolement relatif du salon de billard. J'ai toujours admiré votre collection de bêtes sauvages, mais je ne me rappelle pas si vous aviez des loups. Auriez-vous une louve ? Un sujet d'un caractère très accommodant. Il y a Louisa, un assez beau spécimen de loup gris. Je l'ai échangé il y a 2 ans contre des renards de l'Arctique. La plupart de mes pensionnaires ne tardent pas à être passablement apprivoisés. Je crois pouvoir affirmer que Louisa a un caractère d'ange pour une loupe. Et pourquoi me posez-vous cette question ? Je me demandais si vous pouviez me la prêter pour demain soir. Demain soir ? Oui, les loups sont des animaux nocturnes. Aussi, cela ne la gênera pas de veiller. Un de vos domestiques pourrait l'amener une fois la nuit tombée, et si on l'aide un peu, il parviendra sans doute à l'introduire dans la serre, au même instant où Mary Upton effectuera une sortie discrète. Voilà où vous voulez en venir. Vous allez faire un peu de magie sibérienne à votre compte. Et Mary Hampton accepte de vous servir de complice ? Mary jure de prêter son concours si vous vous portez garant du caractère de Louisa. Je réponds de Louisa. Mais vous connaissez bien Léonard Bilister ? Je sais, comme tout le monde, qu'il a passé 2 jours dans une gare de Sibérie alors qu'il traversait la Russie. C'était au moment de la grande grève des chemins de fer. Pour lutter contre l'ennui, un de ses compagnons de voyage lui aurait révélé des fragments du folklore local. Le lendemain, au dîner, Bilister s'étendit longuement sur le problème des forces occultes et des pouvoirs inconnus. Et le flot de son éloquence continua de déferler tandis qu'on servait le café dans le salon avant la migration générale vers les tables de bridge. Sa tante assurait à ses déclarations une audience respectueuse, mais avide de sensationnel comme elle était, la chère femme aspirait à quelque chose de plus spectaculaire qu'une simple démonstration vocale. Léonard, tu ne veux pas faire quelque chose pour les convaincre de tes pouvoirs ? Quoi donc, ma tante ? Je ne sais pas, changer un objet en un autre. Tu as bien changé devant moi une courge à la moelle en palombe. Oh, et si, il peut le faire, figurez-vous, s'il a envie, il en prend. Alors, monsieur Bilister. Voyons, quelqu'un parmi vous a-t-il une pièce de 3 pence ou un petit objet sans grande valeur ? Vous n'allez quand même pas faire disparaître des pièces de monnaie ni effectuer un tour aussi rudimentaire. Clovis a raison. Je trouve que c'est très méchant de votre part de ne pas vouloir me changer en louve comme je vous l'avais demandé. Ah, je vous ai déjà mis en garde contre le danger qu'il y avait à traiter ces problèmes dans un esprit de moquerie. Je ne crois pas que vous soyez capable de faire ce que je vous demande. Je vous en mets au défi. Mm-hmm. Je vous défie de me changer en louve. Oui, écoutez. Mais avant toute chose, laissez-moi aller dans la serre donner à manger à mes perruches. Madame Hampton. Non, voyons, monsieur Hampton, ne pourriez-vous pas expliquer à Madame Hampton... Excusez-moi, je vais fermer la porte de la serre. Ces perruches font un bruit. Mary, condamne ces satanés oiseaux. Oh! Monsieur Bilister, vous avez fait cela ? Mais... Léonard, veux-tu faire immédiatement reprendre son aspect normal à Madame Hampton ? Mais... Elle peut d'un instant à l'autre se jeter sur nous. Mais je... Enfin, tu entends ? Mais je ne sais pas comment faire. C'est effarant. Comment vous vous êtes permis de changer ma femme en louve ? Et voilà maintenant que vous déclarez tranquillement que vous êtes incapable de lui faire reprendre sa forme primitive. Je vous assure que je n'ai pas changé Madame Hampton en louve. Rien n'était plus loin de mes intentions. Mais alors où est-elle ? Et comment expliquez-vous la présence de cette bête ? Je ne sais pas. Il nous faut bien sûr accepter votre affirmation, mais vous conviendrez que les apparences sont contre vous. Allons nous continuer à discuter devant cette bête qui est prête à nous mettre en pièces. Non, pas mal. Vous connaissez bien les animaux sauvages. Pouvez-vous nous aider ? Les bêtes sauvages auxquelles je suis habitué sont arrivées chez moi présentées par des marchands connus, ou bien sont nées dans ma ménagerie personnelle. Je n'ai jamais encore rencontré un animal qui surgit de façon inexplicable dans une serre, sans que l'on sache ce qu'est devenue une charmante et gracieuse hôtesse. Pour autant que l'on puisse juger d'après ses caractéristiques extérieures, cette bête a l'aspect d'un spécimen femelle adulte de loup gris d'Amérique du Nord, variété de l'espèce communément appelée Canis lupus. Oui, n'importe le nom latin, cette bête s'approche. Est-ce qu'on ne peut pas l'attirer avec de la nourriture et l'enfermer dans un endroit où elle ne pourra pas faire de mal? Oui, il s'agit bien de Madame Hampton, qui vient justement de déguster un excellent dîner. Je ne pense pas que la nourriture exerce sur elle beaucoup d'attrait. Léonard, même si tu n'es pour rien dans cette métamorphose, est-ce que tu ne peux pas utiliser tes dons extraordinaires pour transformer cette affreuse bête en quelque chose d'inoffensif avant qu'elle ne nous ait tous mordus en lapin ou je ne sais pas, moi. Monsieur Léonard. Je n'imagine pas que le colonel Hampton aimerait voir sa femme métamorphosée successivement en animaux bizarres, comme si nous jouions à un jeu de société avec elle. Je l'interdis formellement. la plupart des loups que j'ai eu l'occasion d'approcher se sont toujours montrés très gourmands de sucre. Si vous voulez, je vais essayer avec celui-ci. Oui, hein? Viens. Attention. Mais ce loup attrape un morceau de sucre au vol, comme un simple chien. Ah, voilà qui est rassurant, n'est-ce pas? Alors qu'il aurait pu dévorer n'importe qui. Ah, je pense que je pourrais l'entraîner dans le jardin en lui offrant du sucre. Viens, allons. Viens. Eh bien, voilà. Lord Pabham a réussi à l'emmener. Il n'en demeure pas moins que Madame Hampton a disparu. Vous pouvez constater comme moi que la serre est vide. Oh. Et même la porte communiquant avec l'extérieur est fermée de l'intérieur. Monsieur Bilister, si vous n'avez pas métamorphosé ma femme en louve, voulez-vous avoir la bonté de m'expliquer où elle a disparu, puisque de toute évidence, elle n'a pas pu passer au travers d'une porte fermée à clé? Je n'irai pas jusqu'à vous demander comment un loup gris d'Amérique a pu surgir brusquement dans la serre, mais je crois avoir quelques droits de m'enquérir du sort de ma femme. Non, écoutez, non, je vous assure, colonel, je n'y suis pour rien. Je ne sais rien de plus que vous. Je refuse de rester une heure de plus sous ce toit. Si notre hôtesse a réellement perdu forme humaine, aucune des dames présentes ne peut rester. Je refuse catégoriquement d'être chaperonnée par un loup. Vous faites une louve, chère madame. Oh Madame Hampton. Là, elle vient du parc. Enfin, Mary, que vous est-il arrivé? Mais quelqu'un a dû m'hypnotiser. Figurez-vous que je me suis retrouvée dans la resserre où l'on met le gibier faisandé au fond du parc. Lord Pabham me donnait du sucre quand j'ai repris connaissance. J'ai horreur d'être hypnotisée. Le médecin m'a interdit de manger du sucre. Vous n'avez pas été hypnotisée. Vous avez bel et bien été changée en louve. Vous nous avez fait une peur affreuse. Heureusement, Lord Pabham qui connaît les animaux... Monsieur Bilister. Madame. Alors, vous m'avez vraiment métamorphosée en loup? C'est-à-dire que je ne crois pas, non. Vous savez, tout ceci est très mystérieux. Vous avais prévenu. C'est moi qui ai pris cette liberté. Oh, vous, Clovis! Vous comprenez, il se trouve que j'ai vécu 2 ans dans le nord de la Russie et j'ai une connaissance un peu moins superficielle que n'en peut acquérir un simple touriste des pratiques magiques de cette région. Oui, on aime guère parler de ces étranges pouvoirs, mais de temps en temps, quand on entend raconter 1000 absurdités à leur propos, on est tenté de montrer de quoi est capable la magie sibérienne quand elle est maniée par quelqu'un qui la comprend vraiment. J'ai cédé à cette tentation. Pourrais-je avoir un peu de cognac? Je dois avouer que cet effort m'a un petit peu fatigué. Un peu de cognac aussi? Monsieur Bilister, vous ne semblez pas à votre aise. Clovis, lui, est parfaitement à l'aise. En apparence, du moins. Est-il drôle? Est-il cruel? D'où lui vient cette sorte d'humeur qu'on appelle en France humour? Enfin, qui est-il? Clovis, après tout, ce n'est qu'un nom. Un mystificateur peut en changer. Et ce jeune homme qui sait déjà jusqu'où il peut aller trop loin peut bien nous avoir joué le tour de s'appeler Conradin quand il était enfant. Conradin avait 10 ans. Et le médecin avait déclaré que l'enfant n'en avait pas pour plus de 5 ans à vivre. Le docteur était un homme doux et efféminé qui ne comptait guère, mais son opinion était partagée par Mrs. d'Europe qui, elle, comptait beaucoup. Mrs. d'Europe était la cousine et la tutrice de Conradin. Elle n'aurait jamais voulu s'avouer dans ces moments de plus grande sincérité qu'elle détestait Conradin. Et pourtant, peut-être se rendait-elle vaguement compte que le brimer pour son bien était une tâche qui ne lui déplaisait pas particulièrement. Conradin la haïssait avec une farouche sincérité qu'il réussissait admirablement à dissimuler. Dans le morne et triste jardin sur lequel donnait tant de fenêtres toujours prêtes à s'ouvrir pour qu'une voix lui défendît de faire ceci ou cela, il ne se plaisait guère. Mais dans un coin oublié se trouvait une ancienne cabane à outils de proportions respectables. Et entre ses murs, Conradin avait trouvé un havre, quelque chose qui tenait à la fois de la chambre de jeu et de la cathédrale. Il avait peuplé la cabane d'une foule de fantômes familiers, issus en partie de souvenirs de lecture et en partie de sa propre imagination. Mais la cabane abritait également deux pensionnaires en chair et en os. Dans un coin vivait une poule de Houdan, au plumage dépnaillé, à laquelle l'enfant prodiguait une affection qui n'avait guère d'autre occasion de s'exprimer. Plus au fond, dans l'ombre, il y avait un grand clapier, divisé en deux compartiments, dont l'un était fermé par des barres de fer étroitement rapprochées. C'était le repère d'un gros furet qu'un garçon boucher ami avait un jour introduit clandestinement avec sa cage, en échange des maigres économies amassées en secret par Conradin. Le jeune garçon redoutait terriblement ce petit animal vif, aux crocs acérés. Mais c'était son bien le plus précieux. Sa présence même dans la cabane lui procurait une joie secrète et redoutable que devait ignorer la femme, sobriquet sous lequel il désignait secrètement sa cousine. Un beau jour, il donna à la bête un nom magnifique. Et dès cet instant, elle devint une divinité et fit l'objet d'un culte. Tous les jeudis, dans l'ombre silencieuse et humide de la cabane à outils, Conradin célébrait le culte mystérieux et compliqué de Shredni Vashtar, le grand furet. Il déposait devant son autel des coquelicots en été et des baies rouges en hiver, car c'était un dieu qui insistait sur l'aspect farouche et impatient de la vie. Lors des grandes fêtes, on répandait de la noix de muscade en poudre devant les clapiers. Un des aspects importants de ce rite étant que la noix de muscade devait être volée. Ces fêtes n'avaient pas lieu à des dates régulières et étaient principalement destinées à célébrer un événement particulier. Quand Mrs. d'Europe eut violemment mal aux dents pendant 3 jours, Conradin célébra l'événement tout au long des 3 jours et réussit presque à se persuader que Shredni Vashtar était personnellement responsable de ce mal de dents. Si la maladie avait duré un jour de plus, tout le stock de noix de muscade y aurait passé. Au bout de quelque temps, la fréquence des séjours que faisait Conradin dans la cabane à outils commença à attirer l'attention de sa tutrice. Il n'est pas bon pour ta santé de traîner par tous les temps dans le fond du jardin. De toute façon, il n'y a plus rien dans la cabane. La poule de Houdan a été vendue et expédiée hier soir. C'était cette bête qui t'attirait là-bas? Je ne vois pas ce qu'il y a de si amusant à contempler une poule dans sa cage. Pourquoi ne dis-tu rien? Je n'ai rien à dire. Eh bien, mange. Il y a des toasts aujourd'hui. Je me suis donné assez de peine pour les préparer. Non, merci. Je croyais que tu aimais les toasts. Quelquefois. Tant pis pour toi. Je n'en referai pas de si tôt. Dans la cabane, ce soir-là, il y eut une innovation dans le culte rendu au dieu du clapier. Conradin s'était jusqu'alors contenté d'entonner ses louanges. Ce soir-là, il demanda une faveur. Fais une chose pour moi, Shredni Vashtar. Je ne peux pas te dire quoi, mais tu es un dieu. Tu dois le savoir. Tu dois savoir ce qu'il faut que tu fasses pour moi, Shredni Vashtar, le magnifique. Je ne peux pas rester longtemps, mais chaque nuit je t'adresserai ma prière. Shredni Vashtar, fais une chose pour moi. Mrs. d'Europe remarqua que les visites à la pantie ne cessaient pas. Et un jour, elle entreprit une nouvelle tournée d'inspection. Que gardes-tu dans ce clapier fermé à clé? Je suis sûre que ce sont des cochons d'Inde. Je vais débarrasser tout ça. D'abord, comment se fait-il que les domestiques n'aient pas cette clé? Personne ne l'a. C'est toi qui l'as prise? Tu ne veux pas répondre. À ton aise. Je suis sûre qu'elle est cachée dans ta chambre. Je la trouverai bien. La femme perquisitionna dans la chambre de Conradin jusqu'à ce qu'elle eût trouvé la clé soigneusement cachée, après quoi elle s'en fut vers la cabane. C'était un après-midi assez froid et Conradin avait reçu l'ordre de ne pas quitter la maison. De la plus lointaine fenêtre de la salle à manger, on pouvait tout juste distinguer la porte de la cabane, et ce fut là que Conradin se posta. Il vit la femme entrer, puis il l'imagina ouvrant la porte du clapier sacré et examinant de ses yeux de myope l'épaisse litière de paille où se dissimulait son dieu. Peut-être, dans son impatience maladroite, allait-elle fouiller la paille. Fais une chose pour moi, Shrednivashta. Fais une chose pour moi, Shrednivashta. Fais une chose pour moi, Shrednivashta. Mais Conradin savait tout en priant qu'il n'y croyait pas. Il savait que la femme allait finir par ressortir avec ce sourire pincé qu'il méprisait tant, et que, d'ici une heure ou deux, le jardinier emporterait son dieu splendide, qui ne serait plus un dieu, mais un simple furet brun dans une cage. Et il savait que la femme triompherait toujours comme elle allait triompher. Dans l'amertume de sa défaite, il se mit à entonner d'un air de défi l'hymne de son idole menacée. Shrednivashta s'est avancée. Ses pensées étaient rouges. Et ses dents étaient blanches. Ses ennemis demandaient la paix, mais il leur a donné la mort. Shrednivashta, le magnifique. Soudain, il se colla plus près de la vitre. La porte de la cabane était restée entrouverte. Et les minutes s'écoulaient. C'était de longues minutes. Mais elle ne s'en écoulait pas moins. Il regardait les étourneaux se poursuivre au-dessus de la pelouse. Il les comptait et les recomptait, un œil toujours fixé sur cette porte qui battait au vent. Une bonne au visage morose vint dresser la table pour le thé, et Conradin ne quitta pas son poste d'observation. L'espoir, lentement, envahissait son cœur. Et une lueur de triomphe se mit à briller dans ses yeux qui n'avaient jusqu'alors connu que la mélancolique patience du vaincu. Shrednivashta s'est avancée. Ses pensées étaient rouges et ses dents étaient blanches. Ses ennemis demandaient la paix, mais il leur a donné la mort. Shrednivashta, le magnifique. Et sa patience finit par être récompensée. Sur ce seuil qu'il guettait apparut une longue bête jaune et brune, basse sur pattes, dont les yeux clignotaient dans le jour déclinant, et qui avait des taches sombres et humides sur son pelage. Le grand furet se dirigea vers un petit ruisseau qui coulait au bas du jardin, but un moment, puis franchit un petit pont de planches et disparut dans les buissons. Ainsi s'en fut Shrednivashta. Le thé est prêt, monsieur Conradin. Où est madame? Elle est descendue jusqu'à la cabane à outils, tout à l'heure. Ah bien, je vais la prévenir. Conradin prit dans un tiroir du buffet une fourchette à toast et entreprit de se faire rôtir une tranche de pain. Tandis qu'il la faisait griller, qu'il la beurrait abondamment et qu'il la mâchait lentement avec délices, il écouta les bruits et les silences qui se succédaient rapidement derrière la porte de la salle à manger. D'abord, le cri stupide de la bonne, les exclamations stupéfaites qui lui faisaient écho du côté de la cuisine, les bruits de pas précipités et les galopades de ceux que l'on envoyait chercher de l'aide, puis, après une pause, les sanglots affolés et le piétinement besogneux de ceux qui portaient un lourd fardeau dans la maison. Enfin, une voix. Mais qui donc va annoncer la nouvelle à ce pauvre enfant? Mais jamais de la vie, je ne pourrai jamais. Il faut pourtant... Tandis qu'on débattait la question, Conradin se prépara un autre toast. Mange bien si tu veux devenir un homme, disent les braves gens à leurs enfants. Un homme ? Mais de quelle sorte ? Et si Conradin et Clovis, au lieu de devenir des hommes, restaient bien vivants, tels quels, pour former un seul homme ? Un homme Essaki. Naturellement, ce n'est pas son véritable nom. Le mystificateur continue, mais aussitôt, il démystifie. Une sorte de sourire aiguise le visage de cet homme. Il a une certaine manière de regarder le monde qui risque de le changer. Et même un peintre-pompier peut en bénéficier. Théophile Eschelet était artiste de son état et le cadre où il vivait avait fait de lui un peintre animalier. Il ne faudrait pas croire par là qu'il vivait dans un ranch ni dans une laiterie. Il habitait une villa dans un quartier peuplé de nombreuses villas et qui n'était pas loin d'être banlieusard. Sur un côté, son jardin jouxtait une petite prairie pittoresque dans laquelle un voisin entreprenant faisait paître de petites vaches fort pimpantes de l'espèce anglo-normande. Eschelet avait conçu et peint un charmant tableau des deux vaches laitières au repos sur fond de noyer, d'herbe grasse et de soleil filtrant entre les feuilles. Et l'Académie royale avait inscrit cette toile au catalogue de son exposition d'été. L'Académie royale encourage les habitudes d'ordre et de méthode. Eschelet avait peint une toile réussie de bétail somnolent. Et comme il avait commencé, force lui fut de continuer. Sa paix de midi, étude de deux vaches baies sous un noyer, fut suivie de midi heure sacrée, étude d'un noyer sous lequel s'abritaient deux vaches, puis vinrent, quand les mouches se taisent, le havre du bétail, rêve au pays laitier, étude de noyer et de vaches laitières. Les deux tentatives qu'il fit pour rompre avec sa tradition furent des échecs insignes. Eschelet ne rentra en grâce qu'avec un peu d'ombre pour les rêves de nos laitières. Par un bel après-midi de fin d'automne, il mettait la dernière main à une étude de près quand sa voisine, Alela Pinksford, fit irruption dans son atelier. « Monsieur, il y a un bœuf dans mon jardin. »« Un bœuf ? Quel genre de bœuf ? » ?»« Oh, je ne sais pas quel genre, un bœuf commun. Comprenez-moi, je n'ai rien contre lui personnellement. » Mais on vient de préparer mon jardin pour l'hiver, et qu'un bœuf choisisse de s'y promener ne va pas l'arranger. Sans parler des chrysanthèmes qui viennent tout juste de fleurir. Et comment est-il entré dans votre jardin ? Oh, j'imagine qu'il est entré par la porte. Il n'a pas pu escalader le mur, et je ne pense pas qu'on l'ait parachuté par avion pour faire de la publicité à un bouillon de viande. Ce qui me préoccupe dans l'immédiat, ce n'est pas comment il est entré, mais comment il va sortir. Il ne veut pas. S'il ne demandait qu'à sortir, je ne serais pas venue en discuter avec vous. Je suis toute seule. C'est le jour de congé de la femme de chambre et la cuisinière est couchée avec une névralgie. Je suis incapable de me rappeler de ce que j'ai appris à l'école ou dans la vie sur la façon de faire sortir un grand bœuf d'un petit jardin. J'ai seulement pensé que vous étiez un proche voisin et un peintre animalier spécialisé dans le bétail, que vous aviez sans doute une certaine connaissance de vos modèles et que vous pourriez peut-être m'aider. Il se peut que je me sois trompée. Je peins des vaches laitières, c'est entendu. Mais je ne puis pour autant prétendre à une expérience de bouvier. J'ai déjà vu au cinéma ramener dans le droit chemin des bœufs égarés, mais il y avait toujours des chevaux et un tas d'autres accessoires. D'ailleurs, on ne sait jamais dans quelle mesure ces scènes ne sont pas truquées. Venez avec moi. Le jardin était de dimension normale, mais il semblait petit auprès du bœuf. Une énorme bête tachetée, d'un roux sombre à la tête et aux épaules, d'un blanc sale sur les flancs et l'arrière-train, avec des oreilles dépenaillées et de francs yeux injectés de sang. Il ressemble autant aux charmantes petites vaches laitières que je peins que le chef d'une tribu kurde à une geisha japonaise. Approchez donc! Vous avez peur qu'il vous mange ? Non, non. Il est en train de manger un chrysanthème. Comme vous êtes observateur, rien ne vous échappe. Pour être précis, il a 6 pieds de chrysanthème dans la gueule pour le moment. Voulez-vous, oui ou non, faire quelque chose? Oh, oh, oh, oh. Il n'a pas l'air d'entendre. Si jamais des poules s'aventuraient dans mon jardin, je viendrais certainement vous chercher pour leur faire peur. Vos oh, oh, oh, oh sont magnifiques. Mais pour l'instant, cela vous ennuierait-il d'essayer de chasser ce bœuf? Oh, oh, voilà qu'il s'attaque maintenant à un pied de Mademoiselle Louise Bichot. Puisque vous êtes si franche quant à la variété des chrysanthèmes, permettez-moi de vous dire que vous êtes devant un bœuf de l'Ayrshire. Je m'en fiche, comprenez-vous? Je vois surtout que vous avez peur. Vous êtes ridiculement poltron. Ashley s'empara d'une perche à petits pois et se mit à en frapper résolument les flancs de l'animal. Celui-ci interrompit un long moment le travail de mastication auquel il se livrait sur Mademoiselle Louise Bichot, puis considéra d'un air interrogateur son tortionnaire. Adela en faisait autant avec une hostilité plus marquée. Eh bien, c'est tout? Ashley se risqua à un autre exercice avec une seconde perche. Le bœuf parut comprendre aussitôt qu'il était indésirable. Il donna un dernier coup de dent sur le massif de chrysanthèmes et remonta rapidement le jardin. Ashley se précipita pour le diriger vers la grille, mais ne réussit qu'à faire passer la bête du pas au petit trot. D'un air interrogateur, mais sans marquer de véritable hésitation, le bœuf traversa la minuscule bande de pelouse que les esprits bien intentionnés appelaient terrain de croquet et franchit la porte-fenêtre qui donnait dans le petit salon. Des chrysanthèmes et autres plantes automnales étaient disposées dans des vases et l'animal reprit ses occupations interrompues. Monsieur Ashley, je vous ai demandé de chasser cette bête de mon jardin. Mais je ne vous ai pas demandé de la pousser dans ma maison. Si elle doit rester par ici, je préfère la voir dans le jardin plutôt que dans le petit salon. Mon expérience de bouvier est limitée. Si mes souvenirs sont exacts, je vous l'ai dit tout à l'heure. Peindre de charmants tableaux représentant de petites vaches pimpantes et tout ce à quoi vous êtes bon. Peut-être aimeriez-vous faire un croquis de ce bœuf en train de prendre ses aises dans mon petit salon. Merci, je reviens dans un instant. Où allez-vous? Chercher du matériel. Du matériel? Mais je ne veux pas que vous vous serviez d'un lasso. S'il y a lutte, tout va être saccagé dans la pièce. Oh, monsieur Ashley. Mais l'artiste revint 2 minutes plus tard, portant un chevalet, un tabouret de peintre, une palette et des pinceaux. Voilà. Je suis allé aussi vite que possible. Puis-je vous demander de vous pousser légèrement? Non, vous êtes dans mon champ de vision. Vous voulez dire que vous allez vous installer tranquillement pour peindre cette affreuse bête pendant qu'elle met à sac mon petit salon? C'est vous qui me l'avez conseillé. Mais je vous l'interdis! Je vous l'interdis formellement! Je ne vois vraiment pas ce qui vous y autorise. Vous ne pouvez tout de même pas prétendre que ce bœuf vous appartient. Mais vous avez l'air d'oublier qu'il est dans mon petit salon, en train de manger mes fleurs! Vous avez l'air d'oublier que votre cuisinière souffre de névralgie. Peut-être est-elle plongée dans un sommeil réparateur dont vos cris vont l'attirer. Un peu de considération pour les autres devrait être le principe directeur des gens de notre classe. Oui. Oh, cet individu est fou. Mais où allez-vous encore? Juste prendre quelques branches de lierre au mur. Vous voyez bien que ce bœuf donne des signes de nervosité. Il a fini tous vos bouquets de fleurs. S'il n'a plus rien à manger, il va sortir et je n'ai pas terminé mon tableau. Voilà, vous voyez, il adore ça. Il y a un proverbe chinois qui dit à peu près « Mieux vaut un repas d'herbe qu'un bœuf entier, quand le cœur n'y est pas. » Je vais aller jusqu'à la bibliothèque pour téléphoner à la police. Quelques minutes plus tard, le bœuf, songeant sans doute qu'un bon tourteau l'attendait à l'étable, sortit avec beaucoup de précautions, s'assura longuement qu'aucune perche ne le menaçait, puis quitta le jardin d'un pas lourd mais vif. Cet incident marqua un tournant décisif dans la carrière d'Ashley. Sa remarquable toile, bœuf dans un petit salon, fut une des sensations du Salon de Paris. Et quand elle fut ensuite exposée à Munich, elle fut achetée par le gouvernement bavarois, malgré les enchères acharnées de 3 fabriques de jus de viande. Dès cet instant, son succès ne cessa de s'affirmer et l'Académie royale fut heureuse d'accrocher à ses 6 mètres, à la place d'honneur, sa grande toile, singe de barbarie en train de saccager un boudoir. Ashley fit cadeau à Adela Pinksford de 2 superbes pieds de chrysanthème Madame André Blussin, mais on ne put jamais parler vraiment entre eux d'une véritable réconciliation. D'ailleurs, était-elle possible? Ashley a peut-être sans le vouloir découvert une fissure dans le monde ordonné de Madame Pinksford. Et si la louve de Clovis n'était qu'une mystification, le furet de Conradin était déjà plus inquiétant. Et voici que le sourire de Saki devient étrangement ambigu devant la métamorphose d'une jeune femme. Vous n'êtes pas vraiment mourante, n'est-ce pas, Laura? Le docteur m'a donné la permission de vivre jusqu'à mardi. Mais nous sommes aujourd'hui samedi. C'est grave? Je ne sais pas si c'est grave, mais c'est certainement samedi, ma chère Amanda. La mort est toujours grave. Je n'ai jamais dit que j'allais mourir. Je vais sans doute cesser d'être Laura, mais je continuerai à être quelque chose. Un animal, j'imagine. Vous savez, lorsqu'on n'a pas été très bon dans la vie qu'on a menée, on se réincarne sous une forme inférieure. Et quand on y réfléchit, je n'ai pas été très bonne. J'ai été mesquine, méchante, vindicative et tout cela, lorsque les circonstances semblaient le demander. Les circonstances ne demandent jamais ce genre de choses. Oh, permettez-moi de vous dire qu'Egbert est une circonstance qui demande justement ce genre de réaction. Oh. Vous êtes sa femme, c'est différent. Vous avez juré de l'aimer, de l'honorer et de le supporter. Moi, non. Je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à Egbert. Oh, c'est sans doute à moi qu'il faut faire des reproches. Mais j'ai droit à des circonstances atténuantes. Par exemple, Egbert a fait toute une histoire l'autre jour quand j'ai emmené les petits chiens de la ferme faire une promenade dans la campagne. Ils ont poursuivi ces jeunes canards et ont fait fuir 2 poules qui couvaient, sans compter tous les parterres de fleurs qu'ils ont piétinés. En tout cas, ils n'avaient pas besoin d'en parler toute la soirée. Et puis de dire « n'en parlons plus » juste au moment où la discussion commençait à m'amuser. C'est là que j'ai eu l'idée de me venger. J'ai lâché toute la famille de canards dans la pantille aux semences le lendemain. Vous avez fait ça? Nous qui pensions que c'était un accident. Vous voyez bien. J'ai de bonnes raisons de supposer que je me réincarnerai dans un organisme inférieur. Tout de même, je crois que je peux compter être un animal gentil. Une créature élégante, pleine de vie et de gaieté. Une loutre, peut-être. Je ne vous imagine pas en loutre. Je ne pense pas que vous puissiez m'imaginer sous la forme d'un ange. Pour ma part, je crois que la vie d'une loutre doit être assez agréable. Du saumon toute l'année. La satisfaction de pouvoir aller chercher les truites dans leur trou, sans avoir à attendre des heures qu'elles condescendent à sauter sur la mouche qu'on agite devant elles. Une silhouette svelte et élégante. Pensez aux chiens. Il doit être affreux d'être chassé, traqué et finalement tué par la meute. Oh, ça doit être assez drôle, car il y a une quantité de spectateurs. Et ce n'est certainement pas pire que cette lente agonie du week-end. D'ailleurs, il faut que je change un peu. Si j'étais une loutre convenable, je reviendrais peut-être sous une forme humaine. Sans doute quelque chose d'assez primitif. Un petit nègre tout nu, j'imagine. J'aimerais vous voir plus sérieuse, Laura. Surtout si vous ne devez vivre que jusqu'à mardi. En fait, Laura mourut le lundi. Le lendemain, Egbert entra, arborant un air consterné que la mort de Laura ne suffisait pas à expliquer. 4 de mes canards tachetés ont été tués. Les 4, justement, qui devaient être envoyés au concours agricole de vendredi. L'un d'eux a été traîné jusqu'au milieu de ce nouveau massif d'œillets qui m'a coûté tant de peine et tant d'argent. Mon plus beau parterre et mes plus beaux spécimens de volaille anéantis. C'est à croire que la sale bête qui a fait cela savait vraiment comment faire le maximum de dégâts dans le minimum de temps. Ce doit être un renard ou un putois. Non, il y avait des marques de pieds palmés tout autour et nous avons suivi les traces jusqu'au ruisseau en bas du jardin. C'était évidemment une loutre. Oh, elle aurait pu au moins attendre l'enterrement. Enfin, je ne sais pas quelle est l'étiquette sur ce point, mais je vais surveiller le renforcement des clôtures autour du poulailler. Le lendemain, ce mépris des conventions mortuaires alla plus loin encore. Durant l'absence de la famille qui assistait à la cérémonie, les canards tachetés survivants furent massacrés. La ligne de retraite du maraudeur passait par la plupart des parterres de fleurs de la pelouse. Je vais lancer les chiens sur cette piste à la première occasion. Oui, il n'en est pas question, Egbert. Vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Pourquoi ? Mais je veux dire que... Enfin, quel effet cela ferait si toi prends un enterrement dans la maison ? C'est un cas de force majeure. Quand une loutre se met à agir ainsi, elle ne s'arrête pas. Peut-être ira-t-elle ailleurs, puisqu'il ne reste plus de canards ici. À vous entendre, on croirait vraiment que vous voulez protéger cette maudite bête. Il y a si peu d'eau dans le ruisseau depuis quelque temps. Il me semble peu sportif de chasser un animal qui a si peu de chances d'aller se réfugier ailleurs. Bonté divine, il est bien question de sport. Je veux voir cette bête tuée le plus tôt possible. La veille au soir du jour fixé pour la chasse, Amanda alla se promener toute seule sur les berges du ruisseau, en émettant des bruits qu'on pourrait prendre, espérait-elle, pour des aboiements de chiens. Ceux qui la surprirent dans cet exercice eurent la charité d'imaginer qu'elle s'entraînait pour un numéro d'imitation en vue de la fête du village. Ce fut son amie et voisine, Aurora Burrett, qui vint lui donner des nouvelles de la chasse. Ah, quel dommage que vous ne soyez pas venue. Nous avons passé une excellente journée. Nous l'avons trouvée tout de suite, dans l'étang, juste en bas du jardin. Vous l'avez tuée ? Oh, mais je pense bien, une superbe loutre. Votre mari se fait mordre assez profondément en essayant de l'attraper par la queue. Pauvre bête, elle était assez pitoyable. Elle avait un regard si humain quand on l'a tuée. Oh, vous allez me trouver idiote. Mais savez-vous qui elle me rappelait ? Oh mon Dieu, ma chère, mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes souffrante ? Lorsqu'Amanda se fut un peu remise de sa dépression nerveuse, Egbert l'emmena en convalescence dans la vallée du Nil. Le tempérament généralement placide d'Amanda reprit le dessus. Une tempête de cris et de malédictions venait du vestiaire de son mari, des mots prononcés par lui, mais qui ne faisaient guère partie de son vocabulaire habituel, ne suffirent pas à troubler sa sérénité. Oh, mais qu'y a-t-il, Egbert ? Je ne vous ai jamais entendu jurer de cette façon. Que s'est-il passé ? Cette sale bête a jeté toutes mes chemises propres dans la baignoire. Attendez un peu que je l'attrape. Quelle sale bête ? Une sale bête de petits négrillons tout nus. Je me demande d'où il sort. Aujourd'hui, Amanda est gravement malade. D'une intuition ou d'une mystification. Et si Laura s'amusait davantage, morte que vivante, dans le piège d'une existence figée, au-delà des farces de Clovis, Saki voit peut-être des choses qui le font sourire différemment. Conradin a peut-être grandi, et il va faire irruption dans un monde stéréotypé, comme celui de l'honorable Mr. Van Schiel. Cet après-midi-là, Van Schill partit pour une de ses promenades coutumières à travers les bois de sa propriété. Il avait dans son bureau un buteur empaillé et il connaissait le nom d'un grand nombre de fleurs sauvages, si bien que sa tante s'estimait en droit de le décrire comme un grand naturaliste. En tout cas, c'était un grand marcheur. Ce qu'il aperçut cet après-midi-là sortait résolument de son champ habituel d'expérience. Sur une dalle bien lisse et dominant un étang profond au creux d'un taillis de chêne, un jeune garçon était étendu de tout son long, séchant ses jambes brunes au soleil. Ses yeux brun clair, si clairs qu'une lueur presque féline y brillait, étaient tournés vers Van Schill d'un air tout à la fois méfiant et nonchalant. Van Schill se surprit, et la chose était pour lui nouvelle, à réfléchir avant de parler. D'où diable pouvait bien venir ce petit sauvage? La femme du meunier avait perdu un enfant 2 mois auparavant, qu'on avait cru emporté par le courant du moulin, mais il s'agissait d'un bébé, et non pas d'un garçon de cet âge. Que fais-tu là? Vous le voyez, je me chauffe au soleil. Où habites-tu? Ici, dans ces bois. Tu ne peux pas vivre dans les bois? Ce sont de très beaux bois. Mais où dors-tu la nuit? La nuit, je ne dors pas. C'est le moment où je suis le plus occupé. De quoi te nourris-tu? De viande. De viande? Quelle viande? Puisque cela vous intéresse, de lapins, de gibier d'eau, de lièvres, de volailles, d'agneaux, quand c'est la saison, d'enfants, quand je peux en trouver. Mais ils sont généralement trop bien enfermés la nuit. Et c'est la nuit que je chasse. Voilà près de 2 mois que j'ai pas goûté d'enfant. Oh, tu dis des sottises quand tu racontes que tu te nourris de lièvres. Les lièvres de nos collines ne se laissent pas facilement attraper. La nuit, je chasse à 4 pattes. Tu veux dire, je suppose, que tu chasses avec un chien? Je ne crois pas qu'un chien tiendrait beaucoup à ma compagnie. Surtout la nuit. Tout cela n'est pas naturel, je dirais même... Enfin, je ne peux pas te laisser dans ces bois. Vous aimeriez mieux m'avoir dans votre maison? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Si tu ne t'en vas pas, je serai obligé de t'y contraindre. Le garçon tourna brusquement, plongea dans l'étang, et un instant plus tard, il avait hissé son corps humide et luisant à mi-hauteur de la berge sur laquelle était perché Van Schill. Au moment où celui-ci faisait machinalement un pas en arrière, son pied glissa et il se retrouva presque couché sur la berge glissante, avec ses yeux jaunes comme ceux d'un tigre pas bien loin des siens. D'un geste presque instinctif, il leva la main vers sa gorge. « Je vous ai fait peur. Eh bien, au revoir !» Le garçon plongea et disparut au milieu d'un amas de roseaux et de fougères. Rentrant chez lui, Van Schill se mit à passer en revue dans sa tête divers événements locaux qui pourraient s'expliquer par l'existence de cet étonnant jeune sauvage. Il faut reconnaître qu'il y a moins de gibier dans les bois depuis quelque temps. Moins de lièvres, surtout. D'un autre côté, les paysans se sont plaints d'avoir perdu des agneaux sur les collines. Est-ce que vraiment ce petit sauvage écumerait la campagne? Chasser à 4 pattes la nuit, qu'est-ce que ça veut dire? Avec un chien? Ah non, il prétend qu'aucun chien n'aimerait s'approcher de lui, surtout la nuit. Voilà qui est troublant. Ne reste pas moins que depuis 1 mois ou 2... Mon Dieu, mais cet enfant qui a disparu du moulin il y a 2 mois... Oh, c'est impensable. Bien sûr, mais ce jeune garçon aurait pu se dispenser de dire qu'il n'a pas mangé d'enfant depuis 2 mois. On ne devrait pas dire des choses aussi épouvantables, même en plaisantant. Tout de même, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec tout ceci? Et ce que m'a dit Cunningham l'autre jour en partant, après son séjour ici, il m'a dit « Il y a une bête sauvage dans vos bois. » À première vue, ce n'est pas étonnant, mais Cunningham est avare de paroles. S'il a pris la peine de faire cette réflexion, c'est qu'il a vu quelque chose. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Van Schill s'est rendu compte que son inquiétude ne s'était pas dissipée. Il résolut de prendre le train jusqu'à la ville afin de retrouver Cunningham et d'apprendre ce qu'il avait vraiment vu. Cette décision prise, il retrouva en partie sa gaieté coutumière et il se dirigea en fredonnant vers le petit salon pour fumer sa cigarette matinale. Gracieusement étendu sur le divan, dans une attitude de repos presque exagérée, se trouvait le garçon des bois. Il était plus sec que la dernière fois, mais à ce détail près, sa toilette n'avait pas subi d'altération notable. Comment oses-tu venir ici ? Vous m'avez dit que je ne devais pas rester dans les bois. Mais je ne t'ai pas dit de venir ici si ma tante te voyait. Elle va venir d'un instant à l'autre. Il faut partir. Pourquoi ? Je suis bien ici. Mais tu ne peux pas rester entièrement nu comme ça. Étalons au moins un journal sur toi. Attention, voilà ma tante. Tiens, que fait ce garçon ici ? Bon, c'est un pauvre enfant qui s'est perdu, qui a perdu la mémoire et il ne sait pas qui il est ni d'où il vient. Mon Dieu ! Peut-être son âge est-il marqué. Oh, il semble en avoir perdu la quasi-totalité aussi. À vrai dire, il n'a d'autres vêtements que ce journal. Un enfant nu et sans foyer. Mais nous devons faire tout notre possible pour lui. Ce serait un chat abandonné ou un chien perdu, nous nous occuperions de lui. Un enfant est encore plus intéressant. Mmh. J'envoie immédiatement chercher des vêtements au presbytère. Pendant ce temps, il va prendre un bain. Mais tu ne crois pas, ma tante, que nous devrions prendre des précautions? Enfin, nous ne savons pas... En attendant que nous sachions qui il est vraiment, il faut lui donner un nom. Oh, par exemple, Gabriel Ernest. Voilà un bien charmant prénom. Pourquoi le chien aboie-t-il de cette façon? C'est agaçant, à la fin. Je ne sais pas. Je l'ai vu sortir en courant tout à l'heure et depuis, il n'a cessé de gémir et d'aboyer. Conduis ce garçon à la salle de bain. Ensuite, tu essaieras de calmer le chien. Et ensuite, j'irai d'abord à la gare prendre le train. J'ai besoin de voir Cunningham sans retard. Ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de Gabriel Ernest. Il pourra certainement m'aider. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Mon cher Cunningham, que vouliez-vous dire lorsque vous parliez d'une bête sauvage que vous auriez vue dans mes bois? Je préfère ne pas en parler. Ma mère est morte d'une affection cérébrale, alors vous comprendrez pourquoi je ne tiens pas à me pesantir sur un épisode aussi fantastique que celui que j'ai vu, cru voir. Je suis venu vous voir spécialement. Qu'avez-vous donc vu? Ce que j'ai cru voir est tellement extraordinaire. Aucun homme sain d'esprit ne pourrait affirmer que cela s'est véritablement passé. Enfin, si vous y tenez, voici. Le dernier soir de mon séjour avec vous, j'étais à demi dissimulé derrière la haie, non loin de l'entrée du verger, à regarder les dernières lueurs du couchant. Soudain, j'aperçus un jeune garçon complètement nu, qui, pensais-je, avait dû se baigner dans un étang voisin. Debout au flanc de la colline, il observait également le coucher du soleil. Juste à ce moment, le soleil disparut à l'horizon. Le paysage perdit ses colorations orange et rose pour n'être plus que gris et froid. Et au même instant, un phénomène stupéfiant se produisit. Le jeune garçon disparut, lui aussi. Comment vous voulez dire qu'il s'est volatilisé ? Et non ! Et c'est ce qu'il y a d'affreux dans cette histoire. Au flanc du coteau, où une seconde plus tôt se tenait le jeune garçon, je voyais un gros loup. Au pelage noir, au croc luisant et cruel, aux yeux jaunes. Ouais, on aurait cru... Je vais télégraphier à ma tante. Non. Non, si elle reçoit un télégramme disant « Gabriel Ernest est un loup-garou », elle ne me comprendra pas. Il faut à tout prix que je rentre avant le coucher du soleil. Taxi qu'il prit en arrivant au terme de son voyage en chemin de fer l'entraîna avec une lenteur qui lui parut exaspérante le long des routes de campagne que le soleil couchant teintait de rose et de mauve. Sa tante était en train de ranger des restes de confiture et de gâteaux quand il arriva. Oui, Gabriel Ernest! Mais tu m'as fait peur! Mais qu'est-ce qu'il y a? Gabriel Ernest m'a aidé à recevoir à goûter les enfants de la classe du dimanche. Il a été très gentil. Où est-il? Il ramène le petit Toupe chez lui. Il était si tard que je n'ai pas cru prudent de le laisser rentrer seul. Quel ravissant coucher de soleil, n'est-ce pas? Oh Dieu! Mais où cours-tu encore? Le sentier était bordé d'un côté par le ruisseau du moulin et de l'autre par le flanc de la colline. On apercevait encore un bout du disque solaire au-dessus de l'horizon. Evan Schill pensait qu'au prochain détour du chemin, il allait apercevoir le couple étrange qu'il poursuivait. Puis les couleurs brusquement s'éteignirent et une lumière grise tomba comme un voile sur la campagne. Van Schill avait entendu le cri et s'arrêta. On ne revit jamais le petit Toupe. ni Gabriel Ernest. Mais on retrouva les vêtements de celui-ci abandonnés au bord du sentier. On supposa donc que l'enfant était tombé à l'eau et que le jeune garçon s'était déshabillé et avait plongé à son tour dans une vaine tentative pour le sauver. Madame Toupe, qui avait 11 autres enfants, accepta courageusement sa peine. Mais la tante de Van Chill pleura sincèrement son protégé. Ce fut sur son initiative qu'une plaque commémorative fut apposée dans l'église paroissiale à Gabriel Ernest, un jeune inconnu qui sacrifia bravement sa vie pour son compagnon. Van Chill cédait à sa tante sur presque tous les points, mais il refusa catégoriquement de participer à la souscription pour la plaque à la mémoire de Gabriel Ernest. France Culture vous a présenté Clovis ou le sourire de Saki, par Richard Puyderat. Avec le concours de Claude Riche, Michel Bouquet, Jean-Pierre Mariel, Pascal Mazotti, Jean Martin, Jean-Pierre Lituac, Yves Penaud, Jackie Catalayude. Et Denise Gray, Madeleine Barbulé, Nelly Borjo, Daniel Vol, Nathalie Nerval ou Tateguer. Chef opérateur du son, Madeleine Sola. Collaboration technique, Bernard Charon. Assistante, Marie-France Nussbaum. Réalisation, Alain Barou. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er janvier 1969. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.